Dans ta vie, tu as rencontré un époux qui tout peut s'oublier. Tu as choisi de tout effacer, même les personnes de ton passé. C'est dur, mais c'est comme ça. L'adversité, des choix ainsi se sont opérés pour essayer de te construire, pour trouver les marques de ton avenir. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Dans cette bulle où tout est rose, où les épines sont pourtant proches, quelle énergie existe-t-il pour s'oublier? Et tout aussi, c'est pas facile, mais c'est comme ça. S'il y a dans cet amour pour miser tous tes atouts, qu'est-ce qui nous pousse à nous engager dans des idylles un peu fébriles? On ne comprend pas, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Tu préfères te contenter de sentiments un peu biaisés pour assouvir les impatiences d'actes compromettants. C'est délicat, mais c'est comme ça. Donner du goût à la vie sous des saveurs d'interdit. L'été seul, frôlant l'enfer pour éviter d'être sur terre. On ne comprend pas, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu as?